à la cinquième place. Wahoo, best friend of God. À la quatrième place. Gwagiyehe Sadbi. À la troisième place, Urambabaza by Fizzo. Eyes on pro, Fizzo baby. À la deuxième place, Mutima Wanje, Fortran Big. Mutima Wanje, Himba Zuhoraho, Niwiwa Giri Jizaji, Shiakoze, Yemwe Mahanga Namukoyo Senimuze, Tumushime, Tumuhimbaze. À la première place, qui est aussi la chanson de la semaine, Urambabaza Sunrise en featuring Shawnee Queen. You're in the mix with DJ Prince. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre page Facebook et choisissez la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79 302 33 6 79 302 33.